Section 77 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 77. Croquis de Mars par Gustave Geffroy. Chapitre 1. Le dégel. Il dégèle. Tant mieux. Sans doute, il est affreux de patauger dans la neige devenue noire. Les rues sont encrassées d'une boue particulière, formée de toutes les ordures conservées par le froid d'une semaine. L'eau tombe des toits en larmes sales. C'est seulement dans les jardins et dans les champs que la blancheur s'efface graduellement, que la neige, redevenue friable, s'affaisse par lentes saccades, avec de légers craquements, tels que des pétillements électriques. La terre, où ne piétine pas l'homme, s'assimile paisiblement l'eau qui se décristallise. La pauvre verdure d'hiver, usée et fanée, préservée de l'air froid par la neige, réapparaît un peu plus verte, avec un faux air d'herbe du printemps. Dans les villes, s'il y a accroissement de boue, si l'air est chargé d'humidité, du moins cet air est plus tiède, moins hostile. L'homme ne marche plus, hérissé en bonhomme de Noël, avec des glaçons dans la barbe, une poudre blanche sur les sourcils. La femme n'affiche plus si tristement des oreilles et un nez rougis, et les cruelles fossettes, blessures des mentons grassouillés, comme des joues maigres. Le spectacle de la rue manque de gaieté pendant les gelées persistantes. C'est quand le vent est âpre et mord les chairs que les misères renoncent aux apparences et arborent les costumes éloquents comme des drapeaux. Il faut sortir de bonne heure, rentrer tard, faire des courses dans la journée. Les semblants d'élégance permis par les saisons bienveillantes, sont interdits. Impossible à l'homme de s'en aller en blouse propre, à l'ouvrière de se vêtir d'une robe légère, de se coiffer d'un ruban. Et encore, ceux-là, ce sont les réguliers du travail, les travailleurs d'habitude du chantier et de l'atelier. Ils ont pu, peut-être, se pourvoir du gros vêtement qui cachent les pantalons clairs, les vestes minces et les robes transparentes. Mais les autres, les irréguliers, ceux qui cherchent sans cesse le travail à faire, l'argent à gagner, les coureurs de la subsistance au jour le jour. Ah, de ceux-là, il y en a, au long des maisons, un interminable et lamentable défilé. Les gestes resserrés et les visages inquiets apparaissent au milieu d'inextricables loques. Tout ce qui est tombé sous la main a été pris, endossé, entortillé, autour des épaules maigres. Fichu, par-dessus, caraco, châle, morceaux de drap et morceaux de laine, s'amoncellent et se complètent comme ils peuvent. Les mains gercées se cachent dans des manchons de haillons. La femme si vivante, sans cesse en révolte contre le sort, soucieuse du morceau de pain et piquant un brin des violettes à son corsage. La femme se courbe sous le coup de fouet du froid, obéit aux injonctions qui la soufflettent, perd le souvenir des coquetteries d'hier. Elle s'enveloppe la tête de chiffon. Elle fait souffrir son goût d'ajustement, son instinct de vanité, jusqu'à endosser, s'il le faut, le paletot d'homme au dos carré, aux manches trop longues. C'est la mise en scène, sans trompe-l'œil, des jours de glace. Il en est une autre qui comporte les arabesques de patineurs sur les étangs solidifiés, les promenades en voiture chauffée, un peu de musique dans les salons bien clos, des lectures au coin du feu. Mais cela peut être passé sous silence. il faut laisser célébrer l'hiver et le pari d'hiver à ceux qui ne se risquent pas dehors ou qui ne s'y risquent que dûment et mitouflés, engoncés dans une fourrure triple, gantés de daim, coiffés de loutre, vêtus d'ours. Non, véritablement, s'il s'agit de degrés au-dessous de zéro, il est difficile de s'arrêter longtemps à autre chose qu'à la rue et à ceux qui la parcourent sans traîneau à bouillotte et sans bordure d'astrakhan. La gaie réunion, la salle de spectacle, la chambre tiède ne peuvent pas lutter d'intérêt avec le taudis sans poils, avec l'asile de nuit dont la lanterne rouge s'allume, au soir, dans le blafard de la neige, comme une étoile de sang dans un paysage polaire. Un matin, à 7 heures, un typographe qui se rendait à son imprimerie est tombé, mort de froid, à l'angle d'une rue. Un autre jour, une vieille de 80 ans a été trouvée morte de froid dans son lit. Que le dégel soit donc le bienvenu, avec tout son gâchis et toutes ses immondices. Qu'il s'aggrave, qu'il fasse ruisseler les murs et grossir les ruisseaux. Qu'il vienne enfin, pendant toute une nuit, une averse torrentielle, une pluie oblique, dense, à larges gouttes, qui nettoie le pavé, qui emporte tout à l'égout et au fleuve. Que le balayage s'étende, se généralise, rende la ville propre. Que ne peut-il emporter, en même temps que les saletés matérielles, les saletés morales, et tout ce qui nous ennuie et nous écœure, toutes les boues de l'hiver et tous les scandales de l'automne. Fin de la section 77, lue par Margot.